Y'a des petits matins frileux où c'est bien dur d'ouvrir les yeux. On voudrait rester sous la couette et puis surtout pas se prendre la tête. Mais ça dépend pas de nous. Il faut gagner des sous. Alors on sort de l'édredon, un nez dans le cul, l'autre dans le fion. On essaye de faire des efforts, mais notre courage se rendort. On rentre là en dessous. Le monde vivra sans nous. Y'a des petits matins chafouins, des petits matins qui ont l'air de rien, où la vie nous semble sans piment, sans intérêt, parlons franchement. Ouais, ça dépend de nous. Faut se bouger, et puis c'est tout. Alors on attrape sa guitare pour mettre en musique son cafard, faire des rimes avec trois fois rien. Au final, ça fera un truc bien, mais ça donne rien du tout. Tant pis. Tant pis pour vous. Il y a des petits matins joyeux où on sent le courage d'un dieu, prêt à faire tomber les montagnes, à battre tous les moulins d'Espagne. Pour ça, pas besoin de sous. Des rêves, et puis c'est tout. Alors on s'invente un cheval, un brave Sancho de carnaval. Et sans même quitter le plumard, on part en voyage. C'est pas nard, et ça vaut le coup. Des rêves, et puis c'est tout.